le 6-9 de l'été sur France Inter. Le feuilleton musical pour réveiller vos matins d'été, le 16 août prochain, marquera les 40 ans de la mort d'Elvis Presley. Et à cette occasion, France Inter retrace la légende du King avec Magic Elvis. Ce matin, Elvis à Hollywood. Elvis, le chanteur, avait un souhait, devenir aussi un acteur reconnu et respecté. C'est en tout cas ce qu'il a essayé de faire lorsqu'il est entré pour la première fois sur le plateau de la 20th Century Fox le 23 août 1956 pour tourner le film Love Me Tender. Malheureusement, il faut dire que sur la trentaine de films dont il a été la vedette, peu sont restés en mémoire. Ce que regrette un autre acteur-chanteur, Eddie Mitchell. Love me tender. Elvis, dans ce que je sais, hein, tout au moins, je n'ai pas la science infuse, avait des capacités de comédien et avait aussi des envies qui étaient tout autres que de tourner à Raymond Holiday ou des conneries de ce genre. Quoi. Et puisque même il avait eu, je me souviens d'un film qui s'appelle Thunder Road avec Mitchum, où Mitchum connaissait Presley un petit peu grâce à son fils qui était un fan et ils avaient dîné ensemble et Mitchum lui avait proposé de faire un film avec lui. Et le colonel Parker a refusé, et c'est le fils de Mitchum qui s'est collé à la place de Presley. Ça veut tout dire. Ça. Monsieur Eddy n'est pas le seul à accuser le colonel Parker, l'agent d'Elvis, d'avoir fait tourner des navets à son poulain. George Klein, l'ami d'enfance de Presley, n'est pas tendre non plus avec Parker. Now he had a brilliant business mind. C'était un grand homme d'affaires, il a fait des contrats en or pour Elvis au cinéma. Mais il aurait dû demander de meilleurs scénarios, de meilleurs acteurs pour les seconds rôles, de meilleures chansons dans les films. Et il n'a rien fait de tout ça. Avec Elvis, il chevauchait un cheval de course, et le cheval a fini par s'épuiser. Il aurait dû faire revenir Elvis au cinéma plus vite. Elvis avait l'occasion de jouer dans le film Star is Born, avec Barbara Streisand. Mais le colonel Parker a refusé, ce qui a été une énorme erreur. Night and you and blue. Heureusement, ces films donnaient l'occasion à Elvis d'enregistrer des bandes originales et nous ont permis de découvrir quelques chansons plutôt réussies. L'harmoniciste Charlie McCoy a travaillé avec Elvis à cette époque. J'ai joué sur 7 bandes originales de films. J'ai pu jouer avec Elvis parce que ses musiciens habituels étaient occupés pour d'autres enregistrements. Alors il a dû former un deuxième groupe pour le film Harum Scarum. Et puis ils m'ont rappelé pour 6 autres films. L'une des chansons où Charlie McCoy s'est le mieux exprimé avec son harmonica est sortie en 1967. Elle marque la rupture d'Elvis avec le cinéma et son retour en studio. Elle s'appelle Big Boss Man. Can't you hear me when I call? Big boss man. Can't you hear me when I call? Can't you hear me when I call? Well, you ain't so big. You know you're just tall, that's all. Right. Hey, you got me working, boss man. Working around the clock. I want a little drink of water, but you won't let Big L stop. Big boss man. Now can't you hear me when I call? I said you ain't so big. You know you're just tall, that's all. Can't you hear me when I call? All right. You know you ain't so big. I said you're just tall, that's all. All right. I'm gonna get get me a boss man, one's gonna treat me right. I work hard in the daytime, rest easy at night, big boss man. Can't you hear me when I call? Can't you hear me when I call? I said you ain't so big, you just tall, that's all. Give me a boss man, the one that's gonna treat me right. Work hard in the evening, rest easy at night, big boss man, big boss man. Magic Elvis, une série signée Philippe Robin, initialement diffusée en 2007. C'est pour nous tous les jours à retrouver aussi en deuxième service sur franceinter.fr.